Because you cannot teach the worm how to sing like the birds, because they're tone deaf to the symphony. Oh no, you cannot teach the worm how to sing like the birds, because they are tone deaf. Well, they are tone deaf. Yeah, they are tone deaf. Well, they are tone deaf to the frequency. Yeah, they are tone deaf. Oh, they are tone deaf. Oh, they are tone deaf to the frequency. Well, you can lead the horse to water, but you cannot make it drink. Just like if you sing sweetly to worms, don't assume that they will think. And remember that your power can be easily forgot. So with that said, my sweet darling, you can tell him to get lost. You cannot teach the worm how to sing like the birds, because they're tone deaf to the symphony. No, you cannot teach the worm how to sing like the birds, because they're tone deaf. They are tone deaf, yeah, they are tone deaf, or they are tone deaf to the frequency. They are tone deaf, yeah, they are tone deaf, yeah, they are tone deaf to the frequency. Hello and welcome. Bienvenue à bord, bienvenue à tous et toutes dans cette croisière folk. C'est une émission qui vous fait découvrir toutes les facettes de la musique folk, et on voyage aussi puisqu'on découvre un tas d'artistes. Si vous avez entendu peut-être dans cette émission un artiste que vous ne connaissez pas et que vous n'arrivez pas à trouver des infos sur lui, n'hésitez pas. Nous avons une adresse, lacroisierefolk@yahoo.com, et puis il y a la page Facebook aussi sur laquelle laquelle on poste pas mal de vidéos d'artistes que vous entendez dans cette émission. La page Facebook s'appelle La Croisière Folk. Alors aujourd'hui, quand je me tourne vers ma fenêtre, eh bien, je m'aperçois qu'il y a pas mal de brume, il y en a peut-être aussi, mais il y a de la brume, pardon. Vous voyez, une lettre parfois, ça peut faire la différence. Et je trouve que c'est un bon moment pour aller se promener, même s'il fait froid, parce qu'il y a une sorte d'atmosphère, surtout en hiver, parce que tout dort, hein, tout le monde est au repos, on attend le printemps. Et donc, c'est un moment idéal pour aller se balader et se vider la tête un petit peu. Surtout si, peut-être, vous allez avoir une semaine qui est compliquée. Et donc, ça peut être le moment, dans cette atmosphère de brume, de silence, un peu de magie, hein, comme ça, eh bien de vous vider la tête, de peut-être voir comment vous allez aborder ce collègue ou cette collègue avec qui, peut-être, vous vous êtes disputé vendredi et comment vous allez savoir vous rabibocher. Alors, on vient d'écouter Tangles, son vrai nom. C'est Lauren Greeny. Elle est passionnée de musique depuis son enfance et elle a commencé à écrire des chansons dans une sorte de solitude tranquille avant de se lancer dans le spectacle de rue à 17 ans. Elle a participé à plusieurs groupes et elle exprime vraiment un amour sincère pour son art. Lors de la chanson qu'on a écoutée, qui s'appelle Symphony to the Worms, c'est en fait une chanson qui parle de vers de terre et qui est inspirée du compostage. Voilà, je ne sais pas si vous compostez chez vous. Et Connect with Tangles, voilà, si vous voulez aller voir sa page Facebook. Et on va poursuivre. Et la vidéo, j'oublie, si vous voulez voir la vidéo de Tangles, eh bien, elle est sur la page Facebook La Croisière Folk. Ensuite, du breton avec Rosen Talenk et Yannick Noguet. Mais le jour, c'est la plage titulaire de son nouvel album. The Burnett Sister Band, ensuite Train That Carried My Girl From Town. Et puis Mary Black, To Make You Feel My Love, extrait de son album Full Tide de 2005. Et une petite anecdote à propos de Mary Black. Sachez que pendant plusieurs années, le magazine What Hi-Fi considérait sa voix tellement pure, donc à Mary Black, qu'elle a été utilisée comme référence pour comparer la qualité du son des différentes chaînes audio. Voilà, comme ça, vous pourrez dire à vos amis que c'est dans La Croisière Folk que vous l'avez appris. Allez, vous êtes prêts pour la musique ? 3, 2, 1... C'est parti. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Mets les ours dans Weburzudus. Mets les ours dam Joankis, dam Rosny. Mets les ours en Amsterdam. Mets les ours me en Vreyo. Ah, me hibernomes. Mets les ours me mignon. Ah, mets les ours me guerriocus. A guerre fine, le miroir, c'est celui à qui l'on demande. La vandine me les ou. La vandine me les ou. La vandine me les ou. La vandine me les ou. Nage honne a fait son. Nage honne a fait son. La vandine me les ou. La vandine me les ou. La vandine me les ou. Namare libre c'est mon. La vandine me les ou. La vandine aime les ours, la vandine aime les ours. Dans ma vraie yucura. Dans ma vraie yucura. Dans la vandine aime les ours, j'en peux dire win you want quoi. J'en peux dire win you want quoi. La vandine aime les ours, la vandine aime les ours. L'homme s'en manque là. La vandine aime les ours, arima de choisir. Arima de choisir. La vandine aime les ours, la vandine aime les ours. La vandine aime les ours, n'a mon anglais qui d'azel. N'a mon anglais qui d'azel. Leku a okrojenu erbi ohontaden Erbi ohontaden Ergirinen noir open traren la li li li li la Oh li li li li la Trenon la li li li li la Didia jougur boulouzen Oh la la li li li la Didia jougur boulouzen Oui la couar au balance questionna ou espérance Questionna ou espérance Talou talou igoulé notre al la li li li li la La li li li li notre al la li li la Rue pleine d'hydrubilleurs Rue pleine d'hydrubilleurs Oui, la copée pas golène Et vite c'est vers le tolène Et vite c'est vers le tolène Oui, la colline, ou l'île, pousse Rodin, dans l'île, l'île, l'île, l'île, l'île L'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, l'île, Nos genoux amoureux, lui peut se les donner entre Dirago la Gadlem. Dirago la Gadlem, et bébé bâche de près, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Dorgandeno ervi me rigolen O ervi me rigolen Lua ganda clote notra la la li li la la la la Li li li la me kan il me guske den E kan il me guske den Se tu e chez me chanson la nisan son guirion Dan inur dal mi lou fiendra la la li li la la la la Li li li la e tourne sans l'arrière Voilà fini la chanson de notre miroir partenaire De notre miroir partenaire Chacun y voit son reflet Tralala, lalala, lalala, tralala Lalala, et à l'endroit, à l'envers À l'endroit, à l'envers Tralala, lalala, lalala, dendo Tralala, lalala, dendo Lalala, lalala, tralala, lalala, lalala Lalala, et tournez en arrière Tournez en arrière, à l'endroit, à l'envers, à l'envers, à l'endroit, tournez en arrière, retournez en arrière.

À l'instant, dans la croisière folk, Mary Black, To Make You Feel My Love. Et tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc, 1, 2, 3, je récapitule un petit peu hein, pour tous ceux qui nous découvrent, parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'il y a chaque jour des personnes qui découvrent cette émission. Donc, 1, 2, 3, c'est la découverte d'un album en 3 chansons. Et aujourd'hui, c'est Bridget May Power avec Songs for You. Et dans cet album, eh bien, elle propose une collection de reprises qui sont assez personnelles hein, et elles sont dédiées à son père. Chaque chanson choisie parmi des artistes légendaires comme Roy Orbison, Neil Young ou Cass McCombs reflète des souvenirs liés à leur relation ou au moment passé à ses côtés. Avec sa voix éthérée et des arrangements minimalistes, elle réinvente ses morceaux, mêlant nostalgie et émotion. Des titres comme « Mellow My Mind » de Neil Young ou « In Dreams » de Roy Orbison gagnent une nouvelle profondeur grâce à son interprétation subtile et épurée. Bridget excelle également à revisiter des chansons moins connues comme « See No Evil » de Television en leur insufflant une énergie douce et introspective. Son approche dépouillée, combinée à son talent pour révéler l'essence mélodique des morceaux, transforme chaque reprise en un moment d'alchimie musicale. Song for You, c'est l'album sorti en 2025, transcende en fait le simple exercice de style et offre un voyage poignant entre mémoire et création artistique. Allez, tout de suite, je vous propose Bridget May Power avec Fresh as Sweet Sunday Morning, Missing You et Walk on Out of My Mind. Voilà, c'est 3 morceaux de cet album Songs for You de Bridget May Power. Vous êtes dans 1, 2, 3 et croyez-moi, vous avez bien raison. 1, 2, 3, lancez la musique. Let the moon light. give all for the price of the flight. Oh, I'm missing you under Piccadilly's neon. In 1986, there's not much for a chippy or swinging the pick. And you can't live on love and on love alone. So you sail across the ocean, away across the foam, to where you're a paddy, you're a biddy, you're a mick. Good for nothing but stuck in the brick. And your best mate's a spade and he carries a hod. Two work horses heavily shod. Oh, I'm missing you. I'd give all for the price of a flight. Oh, I'm missing you under Piccadilly's neon. Who did you murder, or are you a spy? I'm fond of a drink, helps me laugh, helps me cry. Now I just drink red biddy for a permanent high, and I'll laugh a lot less and I'll cry till I die. Oh, I'm missing you. I'd give all for the price of the flight. Oh, I'm missing you under Piccadilly. All you young people, now take my advice. Before crossing the ocean, you'd better think twice. 'Cause you can't live without love alone. And the proof's around London in the nobody zone, where the summer is fine but the winter's a fridge, wrapped up in old cardboard under Charing Cross Bridge. And I'll never go home now because of the shame of the misfit's reflection in a shop window pane. Oh, I'm missing. I'd give all for the price of the flight. Oh, I'm missing you under Piccadilly's neon. Oh, I'm missing you. I'd give all for the price of the flight. Oh, under Piccadilly's neon. Un, deux, trois. I hear the echo of your footsteps. They're right in step with marching time. Since you've walked out of my life, out of my world, please walk on out of my mind. I know you're hiding there in the darkness. It's got me running scared and blind. You've walked out of my life, out of my world. Please walk on out of my mind. something I never find since you've walked out of my life, out of my world. Please walk on out of my mind. Voilà, un album de plus que nous avons découvert depuis le début de l'émission. Il y a 5 ans, on a découvert 280 albums. Bon, je vais être honnête, c'est possible qu'une fois j'en ai fait deux. Mais bon, ça fait à peu près quand même pas mal d'albums qu'on vous a fait découvrir. Allez, tout de suite, voici la Minute Astuce. La croisière folk vous invite à découvrir l'âme du folk féminin. Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie ? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Et je vais vous donner la recette d'un bain purifiant aux herbes. Pour cette recette, il vous faut une poignée de feuilles de sauge, une poignée de feuilles de romarin, une poignée de feuilles de menthe, une poignée de pétales de rose séchées et 2 litres d'eau. Alors vous commencez par faire chauffer les 2 litres d'eau dans une casserole et vous stoppez au premier bouillonnement. Vous ajoutez la sauge, le romarin, la menthe et les pétales de rose dans l'eau chaude. Vous laissez infuser une trentaine de minutes avec un couvercle. Quand l'infusion est prête, filtrez les herbes et versez l'eau dans le bain déjà chaud. Mélangez avec votre main droite dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en prononçant la parole. Par le pouvoir des herbes séchées, que l'eau se charge de leur pouvoir, qu'elle me nettoie de toute noirceur, détruisant tout ce que l'on ne peut voir. Alors plongez-vous dans le bain, c'est rien, c'est mon téléphone, et détendez-vous pendant au moins 20 minutes en respirant profondément et en laissant les herbes purifiantes agir sur votre peau et votre esprit. Rincez-vous à l'eau claire avant de sortir du bain. Et cette recette, eh bien, je l'ai trouvée dans l'agenda de paroles de sorcières paru aux éditions Dana. Et il n'y a rien de mal à ça. Il y a pas mal d'almanachs de sorcières avec plein de petites recettes de plantes. Tout de suite, Alan Scott avec San Francisco, Lady Moon, You Can't Have My Magic. Et puis Lucy Kaplansky avec Somebody's Home. C'est la croisière folk que vous écoutez. Merci d'être présent fidèlement et de faire un voyage avec nous, qui est un voyage que vous n'allez jamais oublier. My journey nears its end. As the harbor lights appear, there's no place on earth I've held so dear. I'm older and I'm tired, but I muster my resolve, and as I step ashore, this dissolves. Like the steadiest of friends, you are never out of sight. We're rough around the edge, the same inside. There's distance in these eyes, if I close them really tight. We're 40 years ago. La Croisière Folk, c'est votre billet pour explorer le meilleur des artistes folk féminins d'hier et d'aujourd'hui. You're a rich child, ooh, riding on the back of the wind. I can feel your hand. Go. tonight, roofs leaking everywhere. It's flowing over buckets and pouring down the stairs, taking spins around the hallway, then rambling out the door, out across the highway and down the empty pier, then deep into the river, the water it does fall, and then it's just a part of water flowing through it all, and every time it rains, and every time I cry, it's just another current in that river flowing. Somebody's home. Though you ache and feel alone, someone you've always known. Somebody's home. There's a fire in my house. Started in my cellar, now it's raging up the stairs. Now my walls are burning too, and the roof is crashing in. And finally, there's only flames where once my house had been. As ashes fall, the flames take off in spirals to the sky. Blazing stars that through the blackness lie. And though I mourn my own four walls, I try to understand. They're spread across the sky and through the earth on which I Elle est présente, cette poésie, depuis le début de l'émission, il y a 5 ans. Et aujourd'hui, je vous propose Arthur Rimbaud avec Sensation, un poème interprété par Antoine Motte. Alors, ce poème est extrait de son recueil Poésie, écrit quand Rimbaud avait 16 ans. Il illustre le rapport intense du poète à la nature et son inspiration à une liberté absolue. Dans un style simple et limpide, Rimbaud évoque une promenade solitaire au printemps où il se laisse envahir par les sensations offertes par la terre et le vent. Dépouillé de tout artifice, le poème célèbre une communion mystique avec la nature, à travers laquelle l'âme et les sens s'élèvent. Avec sa musicalité et son imaginaire vibrant, Sensation incarne le rêve de fuir les contraintes pour retrouver l'essence de la vie dans un bonheur pur et immédiat. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, Je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien par la nature. Heureux, comme avec une femme. I called you up yesterday on the telephone and you didn't answer. No, you didn't answer. You were not there. I called you up yesterday on the telephone and guess who answered? And I said, it's Emilio there. She said, this is the Jones residence. I'm telling you now, you've got the wrong number. You've got the wrong number. There's no Emilio here. And then she slammed down the phone. God, I'm living all alone. I'm gonna go under. So I demahalo just in his pack of beer. I want a two-car garage with a home and day on a two-car garage. A two-car garage with a home and bay on. A two-car garage with a home and bay on. So I don't have to think anymore. I crush the can in my hand. Gonna try it once again. Gonna dial that number. His blessed number. Got up the nerve. Oh God, someone's on the line. It's busy all the time. I bet she saw us communicating in the open air. I want a two-car garage with a home and bay on. A two-car garage with a home and bay on. A two-car garage with a home and bay on. Yeah, yeah, a two-car garage with a home and day on. A two-car garage with a home and day on. So I don't have to think anymore. And then I try once again. Everybody knows her friends. He said she hates me. I know she hates me. She says that I'm a jerk. But what the hell does it mean to me? It doesn't cause me misery. She's so wimpy. I could crush her like a crouton if I cared. I buy an axe from Jackson, chop her into bits and feed it to piranha. I'd feed her to piranha, and they'd get sick. And then I'd grab her by the hair and twirl her in the air and puncture her body with those golf shoes that I bought at the church fair. I want a two-car garage with a home and bay on. A two-car garage with a home and bay on. A two-car garage with a home and bay on. Yeah, yeah. J'ai regardé par la fenêtre, depuis mon siège, dans le train. Il était quoi, midi peut-être, quand j'ai vu son chagrin. J'ai pris une feuille, un crayon, et j'ai noté quelques vers. J'ai composé cette chanson, lors d'un séjour en solitaire. Quelques larmes de revoir. Il ferme la porte du train, le wagon qui démarre. Il lui fait signe avec la main. Instants, quand tout à coup elle m'a frôlé, la fille aux yeux d'argent, plus belle qu'imaginée. Lui sur son quai, elle près de moi, tout de loin de l'autre. J'entends soudain sa douce voix, à qui est la faute? Quelques larmes de retard. Elle doit penser son cœur, une nouvelle vie démarre. A-t-elle droit au bonheur? les yeux fixés dans les miens. Elle laisse couler une perle, puis d'un sourire en coin, me dévoile une étincelle, quelques larmes d'espoir, un chemin vers ailleurs, un nouveau départ, vers un avenir meilleur. Et voilà, c'est ici que l'on se quitte. On arrive à bon port. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous. Enfin, il fait toujours si brumeux chez moi. Mais je vous dis, allez vous balader quand il fait brumeux. Tôt le matin, comme ça, il y a du silence. Il y a cette brume qui est un peu mystérieuse. Trouvez un parc ou un endroit naturel. Et puis, bah, pensez à votre semaine. À peut-être comment vous allez résoudre des problèmes. Comment vous allez offrir une boîte de chocolat à cette demoiselle qui vous fait de l'œil. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire, surtout qu'il y a cette, je dirais, cette ambiance un peu de brume et toute cette nature qui est endormie. C'est pour ça que quand on se promène, je pense qu'il ne faut pas faire de bruit. Surtout maintenant, il ne faut pas réveiller la nature. Promenez-vous doucement. Allez, on se quitte avec Cristina Pato, Mundos Celta, extrait de l'album The Galician Connection, l'album de 2010. Merci de votre fidélité, merci de votre écoute, merci d'être présent. Et moi j'espère, le plus sincèrement du monde, et bien que je fais du bien à vos petites oreilles. Enfin, à tout le corps en fait. Allez, sur ce je vous quitte, que la force soit avec vous et avec tous les autres. Et rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye. I'll be back. Il faut savoir tenter l'impossible pour aller loin. Mais si t'es pas content, je me barre. Tu sais pourquoi les Français adorent les Black Belges? Non. Parce qu'ils rient trois fois. Oui, oui, oui. Ils rient quand on leur raconte, ils rient quand on leur explique, et ils rient quand ils la comprennent.